correspondance de Charles à ses parents, jour suivant l'attaque. Aux armées, le 25 avril 1917. Bien chers parents, je viens de recevoir deux lettres de vous. Les jours de froid et de nuit à la belle étoile sur la terre humide ont cessé maintenant. Je reviens des premières lignes sans avoir reçu la moindre écorchure alors que mon pauvre camarade et ami Louarn a été tué à côté de moi. Nous étions dans le même trou d'obus, à l'abri de la mitraille et des balles de mitrailleuse qui faisaient rage autour de nous. Mais notre trou d'obus était trop large et trop plat, les éclats d'obus arrivaient trop près de nos têtes. Nous décidons d'en changer et de sauter dans un autre plus profond, placé à 2 mètres seulement de nous. Louarn sort, fait 2 pas à découvert et tombe dans l'autre trou frappé d'une balle en plein foie. Les hommes placés dans le trou où il est arrivé m'appellent, me font signe en disant que Louarn est blessé. Je bondis aussi et viens tomber sur lui. Il était frêle et déjà presque froid. Il avait eu tout de suite une hémorragie interne qui l'emporta quelques heures après quand il eut été transporté à l'ambulance. Je peux vous dire, sans compromettre la défense nationale, je pense, que nous avons attaqué entre Soissons et Reims à l'ouest de Berry au Bac. Mais nous avons quitté maintenant cette région pour aller plus vers le sud pendant quelque temps. J'étais aussi près du feu que possible puisque j'ai passé 3 jours au milieu du feu. J'ai même crâné un peu fort, car en plein jour, sans en avoir reçu l'ordre, à travers un boyau presque comblé par les éboulements et les cadavres, je suis allé pour donner l'exemple à mon personnel qui jusque-là avait été un peu réservé, jusqu'à la première ligne que nous venions de prendre au point le plus avancé, jusqu'à la séparation avec les Boches. Peu de personnes ont osé le faire comme moi en plein jour, car il fallait passer par plusieurs points absolument découverts. On n'avait pas encore eu le temps d'y creuser des tranchées. J'avais conscience de faire mon devoir en faisant cela, mais je ne sais s'il m'en sera tenu compte. Je ne mens pas d'ailleurs, mot manquant, bas de lettres déchirées. Je ne pense pas qu'il soit fâché à puis celle-ci. Je leur ai expliqué que j'ai fait tout mon possible. D'ailleurs, les bataillons indochinois ne vont pour ainsi dire jamais aux premières lignes. Je ne crois pas qu'ils viennent près de nous. Je viens de recevoir à l'instant un paquet contenant saucisses, saucissons, pâtes de coin. Quelle bonne aubaine! J'ai de quoi goûter un grand nombre de fois. Mais maintenant, nous allons aller un peu plus en arrière et à l'est du côté de Châlons. Le ravitaillement sera plus facile, nous n'y manquerons de rien. Il vaudrait mieux que vous m'envoyiez de toutes ces bonnes choses, quand nous reviendrons. J'aurai bientôt une permission. Je vous embrasse tous de tout cœur. Charles.